Bienvenue au cœur du risque, volume 1, street, UNS, NATSST. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Yeah. De la street en phaser pour les blocs Amazon. Fais pas les tumultes, ça les sent chaud, chaud, chaud. NA2ST, UNS, c'est un pur son. Son, c'est monté comme des pures sans s'entendent. Tu lèves ta main si tu viens de la street. Y'a pas de couleur que l'on ne représente pas. On rappe pour l'United. Laisse-nous juste une seconde et on te le refait en noachi. Les demoiselles, c'est par ici. Les ghetto boys, j'fais pas dans le travesti. Reste assis, c'est le son de la street. Augmente le volume et check ton booty. Tirer au père en équipement, cloque le beat. Appelle-nous pas les sexologues. Encore moins les docteurs, mais les gourous de ta street, street, street. C'est pas le chant du coq-coq-coq, mais celui de ma clique. T'es bienvenu au cœur du risque, volume 1, emblématique. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Rafale de gif pour m'introduire si tu NS sur le titre, la couronne sur le crâne. Avec mes types, on prend les titres. T'as pas compris, j'suis trop de spi. Attends le clip et les sous-titres. Bienvenue au cœur du risque. On kiffe le bif et les sous-titres. Dans le rap game, les coups veulent être au top. Même son bon qu'à la chute, joue pas les shows. On te fume, où que tu sois, du nord au sud. Si tu kiffes pas, tant pis. J'vais kiffer ta rust, ta rome aussi. Ce soir, j'suis Alpiac. Donc, bah ouais, ça sent roussi. Encore un son pour ma city. Pour ma city city. Le nom du hood c'est Las Gauche. Tiens le city city. Tu cherches où trouver page 28 à lettre G. J'prépare du lourd pour faire parler les enragés. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Encore un son pour les boys de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton palais si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les plaques qui viennent de la street. Et ça fait du NS pour la street. Et ça fait NA2ST pour la street. Bienvenue au cœur du risque, la mixtape pour la street. Et peu importe où tu sois, on représente la street. Lève, lève ton fer, fer, fer. Emblématique records pour la street. UNS ghetto superstar pour la street. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, bouge ton balai si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les blacks qui viennent de la street. Encore un son pour les boys et les girls de la street. Lève, lève les mains en l'air si tu viens de la street. Bouge ta tête, ton palais si tu viens de la street. C'est pour les rebeux, les papes, les plaques qui viennent de la street.